Chapitre 4. Donc, Tarabal s'était dit, du premier soir où il avait été présenté à Noémie Urtrel, qu'il aurait cette jeune fille ou avant ou après son mariage. La date lui importait peu, n'étant pas de ces insensés qui souffrent du mal des jalousies rétrospectives et pour qui le partage est une sensation insupportable, même dans le passé. Au contraire, cela était doux à Tarabal que sa maîtresse immola devant lui et des réalités présentes et des souvenirs. Mais avant ou après, il s'était promis de faire tous ses efforts pour que Noémie se donnât à lui, d'abord parce qu'elle avait eu un succès éclatant dans le monde, puis il jugeait sur sa familiarité comme sur la réputation de sa mère qu'elle aurait des amants, et il voulait être un de ceux-là. D'ailleurs, en sa qualité de libertin, comment n'eût-il pas apprécié au premier coup d'œil les qualités physiques de cet enfant, sa taille ronde, l'aisance de ses mouvements, les lignes harmonieuses de sa toilette qui disaient la perfection de tour de toute sa personne, la tendresse de ses prunelles qui promettaient un complet abandon d'elle-même le jour où elle croirait aimer. Cependant, si exact observateur qu'il fût du menu détail des choses, et justement parce qu'il était pratique au plus triste sens de ce terme qui sert à justifier tant de bassesse, il était loin d'avoir compris tout le caractère de la jeune fille. Il n'en avait vu que ce qui pouvait lui servir à s'emparer d'elle. Certes, il ne la prenait pas pour ce qu'elle s'imaginait être, et il avait vite reconnu la part de naïveté qui se trouvait en elle, quoique enveloppée d'un si mauvais ton. Il la jugeait comme une enfant encore, très mal élevée, très imprudente, ingénument dépravée, douée à la fois des défauts et des qualités qui devaient en faire un jour une des reines de Paris. Et cela lui plaisait à lui, le petit-fils d'un paysan vendeur de biens nationaux, la fortune de leur famille avait commencé ainsi, d'avoir tenu entre ses bras, abandonné et vaincu, et d'avoir soumis aux caprices de ses sens quelques-unes des femmes de cet ordre. C'était le gibier dont ce chasseur d'adultère était friand. Ses minutes les meilleures étaient celles qu'il passait debout contre la portière d'un salon. Il ne dansait plus guère maintenant, à regarder l'éblouissement d'un bal. Et il se dénombrait celles des femmes à la mode qui étaient là, parées, étincelantes, divines, entourées du respect de tous et dont il avait été le possesseur. Il y avait eu des soirées où il avait pu compter ainsi jusqu'à 7 ou 8 de ses anciennes maîtresses, parmi les plus adulées de la fête, et cette pensée lui chatouillait délicieusement la conscience. Tant il est vrai que le sentiment du devoir accompli revêt les formes les plus inattendues. Tous ses projets, qui étaient demeurés vagues et incertains dans cette tête lucide, devinrent précis lorsque la comtesse et sa fille s'installèrent aux Oserais, où on leur réserva un petit appartement composé de 2 chambres que séparait un salon. Et Tarabal commença le siège de Noémie avec la méthode qu'il apportait à de telles entreprises. S'il donnait beaucoup au hasard, d'après cette idée que le caractère des femmes se compose surtout de moments et de passages, il avait toujours soin de rendre ce hasard probable. Son premier souci avait été d'éloigner la surveillance de la comtesse, qui, malgré sa légèreté imprudente, aurait défendu sa fille héroïquement si elle l'avait vue menacée. Car elle aimait Noémie à sa manière, qui, pour être inégale et négligente, n'en était pas moins tendre. Comme elle attribuait ses propres égarements à la misère de son mariage, elle voulait que sa fille se mariât bien, c'est-à-dire selon son cœur et pur. Seulement, elle avait été galante, et c'est la punition des femmes qui ont trop vécu par l'amour qu'elles ne puissent pas y renoncer, même quand leur beauté les abandonne, et avec elles, le pouvoir d'inspirer cet amour auprès duquel aucune des sensations d'ici-bas n'a de prix pour leurs nerfs. Elles vont alors, affolées et douloureuses, le demandant à ceux qui peuvent leur en donner du moins l'illusion et la chaleur, aux tout jeunes gens, au regard de qui ils apparaissent transfigurés, à travers l'intensité d'un désir sans comparaison. Tarabal, qui avait bien jugé la situation morale de la comtesse, avait prié à son château, en même temps que Noémie et que sa mère, le marquis de Haen, un débutant de 21 ans, qui aurait, comme tous les enfants de cet âge, traversé le feu pour réaliser cet idéal, être l'amant d'une femme du monde et qui s'était montré des plus assidus auprès de Madame Urtrel pendant tout le printemps. En outre, et pour avoir une occasion quotidienne d'étaler à Noémie la dépravante présence d'un exemple de bonheur dans la faute, quitte à souligner cet exemple par un commentaire continu de tous ses discours, Il avait eu soin de faire coïncider le séjour de la jeune fille dans le château avec celui du ménage à trois le plus harmonieux qu'il eût dans son intimité. Ce ménage se composait d'une madame Donvé, toute brune, toute mince et toute charmante, de son mari, et d'un ami d'enfance à lui, Tarabelle, un beau et solide gaillard nommé Jacques Celdron. Dès la seconde année du ménage des Donvé, ce Jacques Celdron s'était installé auprès d'eux dans une intimité que les mauvaises langues expliquaient par la confusion des affaires d'argent du jeune couple, tandis que les revenus de Celdron étaient nets et considérables. C'était là une moitié de calomnie, mais une moitié seulement. Car si Madame Donvé était la maîtresse de Celdron, c'est tout simplement qu'elle l'aimait. Contrainte par ses parents à un mariage de convenance avec un jeune vieillard, pour qu'elle éprouvait une répulsion physique, elle s'était presque aussitôt consolée en s'abandonnant à des sensations sincères. Mais c'était ce presque aussitôt que ne lui pardonnaient guère les femmes. Les unes, parce qu'étant foncièrement pudiques, elles trouvaient cette facilité de mœurs une chose abominable. Les autres, parce qu'ayant commis la folie de se défendre contre l'amour toute leur jeunesse, pour lui demander de cuisantes consolations quand il était trop tard, elles jalousaient jusqu'à la rage cette insolente béatitude d'une adultère de 22 ans. En revanche, la bonne Madame Tarabal s'insurgeait contre ce qu'elle appelait une indignité, car elle ne pouvait croire à de telles vilainies, et elle avait pris la petite Madame Donvé sous sa protection. C'était, comme on pense, à une sorte de franc-maçonnerie tacite entre Celdron et Tarabal que cette protection était due. Elle suffisait pour que beaucoup d'hostilités fussent paralysées, car elle était sincère, et si la médisance est encouragée par les demi-démentis qui semblaient défendre les gens afin de les faire mieux attaquer, sa lâcheté naturelle la rend timide devant les démentis catégoriques. Aussi n'est-ce pas seulement la politesse qui veut que ces derniers soient si rares dans les conversations parisiennes. Dès la première semaine de l'arrivée aux Oserais, les prévisions du maître du logis se réalisèrent. Il avait été convenu qu'on ferait de longues promenades, le matin, à cheval, dans les bois qui jouxtent le parc, et ils sont magnifiques. Les Oserais, situés à quelques heures seulement de Compiègne, confinent à des débris de chasse royale de la plus rare beauté. Il arriva qu'à la troisième promenade, la cavalcade fut réduite à 4 personnes, Noémie et Madame Donvé, Tarabal et Celdron. À ce moment de la journée, Madame Tarabal s'occupait de l'économie intérieure du château. Madame Hurtrel ne montait pas à cheval. Le petit Donvé, de qui la calvitie, les yeux plombés, les dents douteuses, disait l'épuisement précoce, était par-dessus le marché malade imaginaire, et il demeurait au lit jusqu'aux dernières limites de la matinée. Le marquis de Haen inventait un prétexte ou un autre pour s'excuser. La comtesse et lui avaient commencé déjà de prendre l'habitude d'une causerie solitaire. Par ses beaux débuts des derniers beaux jours, dans le vaste et profond jardin du château, les teintes dorées de ce mois d'octobre à peine entamées frémissaient dans les arbres. C'était la floraison des suprêmes roses qui, toutes rouges et toutes blanches, s'ouvraient largement et s'effeuillaient au pied de leur rosier, pétale à pétale. Et la femme de 46 ans, qui ne voulait pas vieillir et que ce tête-à-tête trouvait déjà paré, se laissait enivrer par les paroles que prononçait dans les allées de ce jardin d'automne un jeune homme qui aurait pu être son fils. Elle ne songeait plus à sa fille, qui à la même minute galopait sous les branches, seule avec Tarabal. Les montures de Celdron et de Madame Donvé prenaient toujours l'avance. Leur couple apparaissait au tournant des allées, chevauchant botte à botte, elle, charmante de coquetterie tendre et d'une expression de félicité contagieuse, lui, moins élégant cavalier que son grand ami Tarabal, mais athlétique et superbe de carrure sur sa forte bête. Puis il disparaissait de nouveau, vivant symbole des idées qui, tout de suite, avaient formé l'objet des conversations de Tarabal et de sa compagne. Car cet homme pensait, comme un observateur connu, que parler de l'amour avec une femme, c'est un peu faire l'amour. Aussi ne s'agissait-il jamais d'un autre thème entre la jeune fille et lui. Au cours de ces chevauchées du matin, parmi l'enivrement du grand air et dans ce paysage d'une langueur enveloppante où les bouleaux blancs mêlaient le frisson de leurs feuilles jaunissantes à la vapeur des brumes, Noémie racontait toutes les idées qu'elle s'était façonnées à travers ses lectures et ses réflexions personnelles. Elle concluait qu'elle n'aimerait jamais, D'abord parce qu'aucun homme n'était digne des sacrifices qu'elle voudrait accomplir si elle aimait. Et puis, disait-elle, parce que l'esprit d'analyse avait tari dans son cœur les sources de la passion. Elle parlait avec cette attitude désabusement prématurée dont elle était coutumière, laissant tomber de ses lèvres délicatement sinueuses des axiomes d'un pessimisme qu'elle croyait sincère. Ses blonds cheveux, massés sous le chapeau d'homme, brillaient dans la lumière avec les tons d'une soie vivante. Le clair azur de ses yeux se fronçait jusqu'au saphir dans le rose tendre et transparent de son visage, que fouettait le vent de la course, et le drap noir de son amazone moulait délicieusement son corsage. La grâce animale, en même temps que spirituelle, qui était dans cette fille née de la rencontre de deux passions brûlantes, se décelait tout entière par sa jolie manière de s'asseoir sur son cheval et de ne faire qu'un avec le rythme de la bête. Et le charme de cet ensemble parlait au sens de Taraval, pour le moins autant que la perspective de dompter cette élégante créature parlait à son amour-propre. Après quelques matinées de ce genre, cet homme fut monté au plus haut degré du désir moral et physique, et si la chaleur d'âme excitée par le désir ne ressemble à celle que produit l'amour ni par la noblesse ni par la durée, ces deux exaltations ont ceci de commun, qu'elles rendent également éloquents ceux qu'elles dominent, et aussi qu'elles sont également irrésistibles lorsqu'elles ne sont pas répugnantes. Or, la belle mine de Taraval, jointe à son allure de supériorité constante, n'était point pour produire un effet de répulsion. Et lui, de son côté, parlait à Noémie et développait des théories. Il avait tout de suite, et de parti pris, choisi la thèse contraire à celle de la jeune fille, en sorte qu'en face de cet enfant au cœur jeune et tendre, qui défendait la cause de la sécheresse de l'âme, c'était ce libertin, égoïste et féroce, qui soutenait le principe de la divinité de l'amour. Il le faisait avec le plus grand sérieux, ayant éprouvé que le badinage est une erreur de conduite avec les femmes, même très légère, à plus forte raison avec une personne qui n'a pas vécu. La gravité, au contraire, voire la déclamation tragique, projette un magnétisme fascinateur. Les protestations les plus exorbitantes trouvent crédules presque toutes les oreilles, féminines ou masculines. Il nous est si difficile de ne pas croire à la sincérité d'une passion dont nous sommes l'objet. Des hommes, jeunes ou vieux, beaux ou laids, innocents ou roués, se croient bien aimés par des drôlesses dont ils savent qu'elles ont appartenu à 50 amants et qu'ils payent. Jamais l'adorateur n'a paru mentir tout à fait au regard de l'idole. Aussi Taraval, après avoir, dans les premières de ses causeries du matin, formulé avec conviction la théorie du grand sentiment, passa bientôt du général au particulier. Il déclara tout simplement à Noémie qu'il éprouvait pour elle une passion désespérée et qu'il était le plus malheureux des hommes depuis le bal de la princesse Virchovnia. Il dit cela sans une parole qui pût effaroucher la pudeur physique de la Vierge, d'un accent profond, avec un regard ardent de ses yeux jaunes, et l'exagération de ses phrases paraissait d'autant plus sincère qu'elle contrastait davantage avec la froideur habituelle de sa manière d'être. Mais cette sincérité n'était-elle pas réelle, et ne brûlait-il pas de toutes les flammes sensuelles, tandis qu'il voyait la silhouette de celle qui serait un jour la professional beauty de 30 salons s'enlever sur les feuillages roussissants des arbres, avec la grâce svelte de son buste jeune. Tandis qu'il parlait, ce buste était agité d'un souffle involontairement plus rapide, et l'habile calculateur voyait la main qui tenait les rênes de la ponette alezane trembler un peu. Pour une très honnête femme, il y a une insulte cachée au fond de toutes les déclarations d'amour. Traduite en clair et franc langage, elle signifie « je vous désire » et si je vous le dis, c'est que j'espère. Mais la plupart des femmes, même celles qui sont sincèrement vertueuses, affectent de ne voir ni ce désir, ni cette espérance, afin de se donner la sensation enivrante du danger moral. Noémie, elle, ne voyait réellement pas le désir qui montait vers elle, et l'espérance de Taraval ne lui représentait rien de défini. En revanche, le terrain nouveau sur lequel son compagnon l'entraînait lui fournissait une occasion trop précieuse de jouer son rôle de femme forte pour qu'elle agît comme le lui commandait, et la prudence et l'honneur. Elle laissa parler Taraval et lui répondit par des discours, de scepticisme d'abord, puis de consolation, auquel il se prêta de bonne grâce, parce qu'il lui paraissait offrir l'avantage de la familiariser avec l'idée de ce grand amour qu'elle avait inspiré. Dès le second jour, elle y croyait, et elle commençait de se mettre en règle avec sa conscience, car malgré tout, quelques scrupules remuaient dans son cœur, principalement à la vue de sa mère et de la femme de Taraval, en se disant tout bas à elle-même, et en lui disant tout haut à lui, que de cet amour malheureux naîtrait une heureuse et durable amitié. Comme une personne qui a mesuré sa vie par avance, et tout l'avenir, elle promettait qu'elle n'aurait jamais pour aucun autre des sentiments plus tendres que ceux qu'elle lui portait. « Mais vous vous marierez, » disait-il, et avec un sourire fin, elle répondait « On se marie comme on va au bal. Cela rentre dans notre métier de femme du monde. Est-ce que vous êtes jaloux lorsqu'à Paris je danse avec le vieux monsieur de Ted ou avec le jeune monsieur de Haen ?» Il ne répliquait rien, et l'étudiait de toute la force de son intention, car il finissait par se demander s'il n'était pas une déterminée coquette, à certaines complaisances de ses yeux et de son langage, tandis qu'à d'autres minutes, elle parlait comme une ingénue de comédie. Et l'heure du retour arrivait parmi ces dangereuses causeries. Les deux couples se rejoignaient et reprenaient ensemble le chemin du château. Les vastes bâtiments de style composite se profilaient dans l'air bleu avec leurs tourelles en poivrière, et la vie officielle commençait, pareille à celle qui se mène dans les intimités de cette sorte. C'était, après une première toilette, un déjeuner tardif, puis une séance dans le salon ou dans les chambres à écrire des lettres, une seconde toilette pour quelques promenades en voiture ou à pied, enfin une troisième toilette pour le dîner qui était reculé jusqu'à 8 heures. La soirée se passait à de menus ouvrages poursuivis tout en causant, dans le grand salon que la flambée du premier feu rendait comme plus familier. Ou bien on écoutait de la musique exécutée par de Haen, qui déchiffrait au piano, avec un talon de second ordre, mais assez sûr, de longs morceaux d'opéra. Il jouait aussi des fragments de Chopin, tandis que la comtesse Surtrel laissait retomber sa broderie pour mieux sentir la voluptueuse et maladive mélodie lui caresser l'âme à sa place endolorie. En leur qualité d'hommes de cercle, Don V, Celdron et Taraval se relayaient à une table de Bézigue. Quand c'était à ce dernier d'être libre, il venait s'asseoir auprès de sa femme et de Noémie, lesquelles se trouvaient le plus souvent l'une à côté de l'autre. Car la jeune fille était attirée vers la femme de celui dont elle se croyait aimée, par une de ces inexplicables sympathies qui, dans l'adultère, poussent si souvent un amant à rechercher, en toute sincérité de cœur, l'amitié du mari. Le contraste était complet entre les propos du matin et l'attitude très réservée de Taraval durant ces soirées calmes, qu'éclairaient les hautes lampes coiffées d'abat-jour japonais. Noémie savait gré de cette extrême réserve à son compagnon de promenade, comme d'un triomphe sur lui-même et comme d'un respect pour elle. Et puis, ce contraste lui faisait ressentir un peu de ces délices du mensonge, qui seront toujours la poésie tentatrice des liaisons défendues. Vers minuit, elle et sa mère remontaient chez elle. Quelques instants, elles s'arrêtaient à causer dans leur salon commun, puis le silence envahissait le château et un sommeil profond enveloppait la jeune fille, toute lasse de ses chevauchées dans l'air des bois. Elle dormait, ses beaux yeux clos, sa fraîche bouche à peine ouverte, son doux esprit noyé dans les rêves, et ne se doutait pas qu'à ce moment une forme s'échappait de la chambre la plus voisine de la sienne, et c'était la comtesse elle-même qui se glissait jusqu'à la porte d'une autre chambre qu'elle trouvait entrebâillée. Elle allait ainsi, à travers la nuit, s'abattre sur le cœur tremblant du marquis de Haen, car ce jeune homme était devenu son amant, presque aussitôt. Il faut bien le dire, ce n'est point par les mauvais côtés de sa nature qu'elle avait cédé si vite. Mais, par une instinctive horreur de toute coquetterie, aimer pour elle, c'était se donner et elle aimait. Seulement, un reste de pudeur maternelle et un de ces compromis de conscience qui sont les sophismes des passions lui avait fait paraître horrible de se donner à côté de la chambre de sa fille. Noémie dormait toujours. Elle ne voyait pas Taraval se promener de long en large au lieu de se coucher et se demander quand il profiterait de l'absence de la mère, dont il avait eu soin de s'assurer pour pénétrer dans la chambre de la fille. Non, elle dormait avec sa natte blonde enroulée autour de son adorable visage, en ce moment rendu par le sommeil à son véritable caractère de tendresse innocente. Elle rêvait. Pourquoi son rêve ne lui montrait-il pas son destin qui venait vers elle ?